C'est le six que je veux. C'est le six que je veux. Tu nous connais pas. C'est le six que je veux.